La densité de véhicules dans les centres-villes est telle qu'il a été nécessaire de trouver des solutions offrant au plus grand nombre une bonne rotation des places de stationnement. J'entre dans une zone où le stationnement est interdit, sauf si l'on est prêt à payer. Ce sont les informations que livre ce panneau et le symbole inscrit dans le carré blanc. En fonction du prix payé, la durée limitée du stationnement sera plus ou moins longue. Le stationnement est donc payant et à durée limitée. Réponse B et C.